Les soins de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? Perdu la tête, ouvre le chemin de ma mère. Et pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ah, pour d'autres femmes. Elle deja de ser mujer, pour eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour les auditeurices. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Minorités au travail. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Yaël. Est-ce que tu veux te présenter ? Bonjour. Donc, je m'appelle Yaël. Je suis une femme cis, queer, blanche. Et je suis actuellement étudiante. Et je travaille en même temps donc, en tant que AED ou assistante d'éducation, qu'on appelle plus largement surveillant, dans un lycée, c'est ça. donc dans un lycée. Et je l'ai été pendant 2 ans déjà dans un collège. Ok, t'étais en externat ou internat ou t'as fait les deux ? Que de l'externat, j'ai jamais fait de l'internat. Ça marche. Du coup, la première question que j'aime bien poser, c'est en quoi, sur quel aspect, toi, tu te sens, enfin, tu t'es senti que ça soit dans tes 2 ans au collège, ou tu te sens aujourd'hui en minorité sur ton lieu de travail? Donc, moi, les oppressions que j'ai pu plus majoritairement subir dans mon lieu de travail, ça va être surtout en termes de queerphobie et aussi pas mal de sexisme. Et aussi un peu de psychophobie, en fait. C'est divers. Tant qu'on y est. Super. Est-ce que tu veux donner des exemples? Pas obligé, on peut zapper si t'as pas envie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en aurait genre un peu beaucoup. C'est pas trop structuré dans ma tête. Pas de soucis. Après, s'il y en a qui devient genre les plus récents, ou genre un pour chaque truc, ou... Enfin, un type, c'est plutôt des commentaires, c'est plutôt des discriminations, ce qu'on appelle genre ordinaire, qui porte très mal son nom, ou... Est-ce que c'est des réflexions sur toi? Est-ce que c'est dans la manière dont c'est organisé? Est-ce que c'est administrativement, par exemple, t'es pas pris en compte et tout? C'est quand même assez divers et varié. Il va y avoir beaucoup de remarques lancées, pas forcément par rapport à moi, mais par rapport, par exemple, à des élèves, etc., mais dit exprès devant moi, parce que principalement les collègues savent que c'est des choses qui nous touchent. Donc, par exemple, faire des remarques sur le couple lesbien du collège en disant « Ah, quand même, celle-là, elle pourrait arrêter de se tenir la main devant tout le monde, c'est n'importe quoi », ou ce genre de truc. Et après, ça a été aussi, cette fois-ci, de la part de mon chef, donc des commentaires sur la manière que je peux avoir de me présenter. Donc bon, déjà, il a fallu que j'enlève mon septum, parce que bon, tout de même. Et donc, ça a été aussi le fait de pointer mes jambes que je n'épile pas en disant que c'est absolument choquant qu'une femme se doit d'être soumise, épilée et en talons. Après quoi, ce magnifique chef s'est levé de sa chaise et est sorti de la pièce en revenant me voir 2 heures plus tard en me disant que vraiment je l'avais choqué. Quoi. Wow. Et ça, c'est dans ton nouvel établissement ou c'est des choses qui étaient déjà dans l'ancien, ce type de comportement et lesbophobe et sexiste? Ça a été dans les deux. Donc le cas de ce chef qui a pointé mes jambes, c'était dans mon nouvel établissement. Mais après, tous les commentaires des collègues, c'était vraiment principalement dans le collège où j'étais avant, où ça a été mais juste absolument quotidien. Okay. Mais à base aussi, alors c'est vrai que c'est des choses qui ne me concernent pas spécialement par rapport au racisme ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment des commentaires racistes par rapport aux élèves. Et quand j'essayais de leur faire remarquer que de toute façon c'était pas ok, on me renvoyait un peu à la figure le fait que comme j'étais militante, forcément j'étais toujours un petit peu casse-couille, quoi. Et que j'avais pas. Que j'avais toujours un avis à dire sur toutes les choses, que de toute façon on peut plus rien dire parce qu'il y a Ellie à côté, et ce genre de commentaires bien sympas. Donc, ouais, c'est surtout des commentaires sur d'autres personnes, mais à fondement homophobe, grossophobe, raciste, enfin, tout ce qui va avec. Et en attendant une réaction de ma part, parce qu'on sait que ça va pas me plaire, quoi. Donc c'est aussi pas mal de provoque. Et mais du coup c'est, enfin t'avais, tu disais parce que, enfin c'est ce truc de provocation, c'est aussi parce que genre justement elles sont, enfin sont au courant de du fait que t'es queer et du fait que t'es militante aussi. Enfin c'est quelque chose dont tu t'es pas cachée ou c'est quelque chose qu'ils ont juste découvert au fur et à mesure. Enfin comment ça s'est fait en fait? J'ai essayé de le faire de manière relativement progressive. Donc, au départ, quand j'ai donc intégré le collège il y a 2 ans et demi, j'en parlais pas, jamais. Et puis après, je sais pas, on se racontait chacun une notre week-end. Du coup, je mentionnais le fait que j'avais été en manif, que j'avais rejoint un collectif, que j'essayais de militer à mon niveau, etc. Et du coup, assez rapidement, on m'a quand même collé cette étiquette de la féministe un peu relou. Parce que tu faisais des manifs. Parce que je faisais des manifs. Donc, ouais, ça a été... Après, par rapport au fait d'être queer dans le milieu du travail, c'est vrai que c'est un truc que j'ai essayé d'apposer comme étant quelque chose de normal et que donc j'avais pas envie de faire de coming out, j'avais pas envie d'avoir à montrer que j'étais pas de la norme, même si fatalement on me le renvoie beaucoup. Et donc je mentionnais juste mes potentielles relations, etc. En essayant de le faire de manière aussi décomplexée que le faisaient les personnes hétéros. Okay. Et ça a à peu près marché quand même parce que comme je leur ai pas laissé de prise sur le côté un peu, j'allais dire grandiloquent, c'est peut-être pas terrible, mais des coming out, etc. Ils pouvaient pas m'attaquer là-dessus parce que je montrais que de toute façon ça m'atteignait pas. Ouais. Donc à ce niveau-là, ça allait. Mais après, ouais, je sais pas. Et tu parlais par exemple du fait qu'on t'a demandé d'enlever ton septum, c'était aussi le cas dans l'autre établissement, et est-ce que tu penses que c'était vraiment, enfin c'était contre les piercings de manière générale, ou c'est parce que aussi c'est ce piercing-là particulièrement, aussi parce qu'il a revendiqué quelque chose de clairement queer? Je peux pas avoir de certitude absolue par rapport à ça. Enfin alors si déjà, on m'a jamais demandé de l'enlever dans le collège dans lequel j'étais avant. Ok. Mais... je l'ai fait en cours d'année et j'étais déjà embauchée depuis 1 an et demi, j'étais plus en période d'essai ou quoi que ce soit. Et dans tous les cas, c'est un critère illégal hein, de licenciement quand même. Alors que pour le nouveau lycée dans lequel je travaille là depuis donc 2 semaines, je suis arrivée avec mon septum à l'entretien. Et c'est à l'entretien d'embauche où il m'a dit, donc le CPE, si tu veux être embauchée, il faut que tu caches ce septum-là. Donc après... Il connaissait le mot septum? Non, il m'a dit... pas du tout. Il m'a dit ton anneau dans le nez, mais... Très clairement. Mais ouais, non, il m'a dit que c'était parce que c'était au milieu du visage et que quand même on était un établissement de prestige et qu'il fallait avoir une image par rapport aux parents d'élèves et à la direction. Donc je sais pas si... Je sais même pas s'il sait quelque part la connotation que ça peut avoir aussi. Mais en même temps, il y a plein d'autres personnels qui ont d'autres piercings. Ça va être plutôt au niveau des oreilles et tout. Il y en a un qui en a à l'arcade et pour le coup, ça pose de problèmes à personne. Après, c'est quelqu'un qui l'a depuis un peu plus longtemps que moi, donc je sais pas à quel point ça peut jouer là-dessus. Ok. Et on est d'accord que c'est des établissements, enfin autant l'ancien que le nouveau, c'est des établissements publics, parce que j'avais pas demandé. Oui, c'est 2 établissements publics dans Bordeaux qui sont censés être soumis à la loi publique aussi, donc pas... Non mais c'est intéressant parce que je pense qu'à la fois bon, il y a un peu le regard aussi très mainstream qui doit avoir un peu cette idée de mais non mais c'est pas possible quand il peut y avoir des propos racistes, sexistes, etc. alors que c'est l'éducation nationale, symbole de haute tolérance, etc. Et en même temps on a vu aussi ces dernières années, notamment il y a 2 ans avec les scandales sur autour du crop top et les manifestations des élèves. Je sais pas si tu travailles déjà à ce moment là Ouais. Enfin, je sais pas si toi tu l'as vu du coup ça, enfin ce mouvement, enfin qui je crois revendiquait à la fois le fait que des personnes puissent venir. Après non, je crois que ça a été juste là, c'était juste sur le crop top et que c'était différent du voile ou des foulards genre dans le, enfin en éducation supérieure parce que de toute façon c'est interdit par l'éducation nationale. Mais du coup, est-ce que tu as l'impression que il y a des choses qui bougent par rapport à ça en termes de restrictions vestimentaires, enfin en tout cas sur l'apparence, tant pour le personnel que pour les étudiantes? Je sais pas si j'ai vu énormément de changements, parce que moi, quand je suis arrivée dans le collège dans lequel j'étais, à ce niveau-là au moins, la direction était à peu près OK, donc il n'y avait pas de, il n'y avait pas tellement de propos par rapport aux vêtements des élèves. Ou alors c'était très minoritaire et c'était de toute façon de la part des personnes qui n'étaient pas décisionnaires, genre l'infirmière, quoi, qui va faire des réflexions aux élèves, ce qui est dans tous les cas pas OK. Mais voilà, la principale, la CPE, etc., pour le coup, jamais en 2 ans où j'étais, convoqué des élèves parce qu'elles avaient un crop top un peu trop court ou quoi que ce soit. Donc ça, pour moi, c'était relativement acquis. Après, là, le fait d'être donc allée dans un autre établissement, donc un lycée, je me rends compte que c'est pas du tout le même discours. Et donc, à partir du moment où on se permet de faire des commentaires sur mes poils et mon septum, on fait aussi énormément de commentaires sur la tenue des élèves. Après, voilà, bon, pour l'instant, mais ça fait quand même pas très longtemps que j'y suis, j'ai pas vu de personnes convoquées carrément dans les bureaux ou quoi, mais ça va quand même être des commentaires dans la cour de « Ah bah machine, tu devrais quand même mettre un t-shirt où on voit pas ton nombril » et ce genre de trucs. Et donc pareil, évidemment, pour les employés, où on a eu à la fabuleuse réunion de pré-rentrée tout un discours très très macho de ce CPE qui disait que quand même on est en représentation et que donc on se doit d'être des modèles, etc. Alors bon, dans l'idée, pourquoi pas à un certain point, mais bon, je pense que c'est pas parce qu'on voit un petit bout de mon ventre que tout de suite ça veut dire que j'ai pas une posture d'autorité et de référence pour les élèves, quoi. Il s'est empressé de leur dire à quel point il m'aurait fait jouir. Pourquoi faudrait-il que je passe encore une fois pour la chaudasse? Pourquoi le mec serait pas fautif? C'est lui qui dégrafe les soutifs. Pourquoi faudrait-il que l'on passe encore toujours pour des chaudasses? R, T, T ou hier qu'on me demande ta vélé. T'étais à l'air, c'est ça, tu cherchais à te vendre. Tout ça, t'as l'impression que c'est... Enfin, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui dépend, du coup, des établissements et, du coup, plus des individus qui ont l'autorité, ou, genre, t'as l'impression que ça... Enfin, c'est quelque chose de plus global, et le fait que, par exemple, Blanquer puisse avoir des déclarations là-dessus, bah, ça donne plus de légitimité, justement, à ces gros sexistes de ressortir du placard, malgré le fait que, genre, quand même, on pensait avoir avancé sur quelque chose... Enfin, quelques points du féminisme, quoi. Alors c'est sûr de sûr que les réflexions justement de la part du ministre quand même de l'éducation nationale, ça a pu entériner énormément de positions là-dessus. Après, dans l'éducation nationale de manière générale, la plupart du corps enseignant, de l'administration et tout, restent relativement critiques par rapport au ministre et au ministère. Donc il y a aussi cette position de « mais de toute façon, Blanquer, on l'emmerde ». Et ça, en vrai, je l'ai déjà quand même pas mal entendu, et je l'ai assez vu, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, par rapport aussi, tu sais, à l'interdiction de l'écriture inclusive. Dans le lycée dans lequel je suis, toutes les affiches sont en écriture inclusive, tous les messages pour les lycéens N, etc., le sont aussi, parce qu'en fait, ça fait pas non plus forcément valeur de loi absolue, quoi. Donc, et je pense que ça reste du coup majoritairement à l'appréciation des établissements, ce qui fait que c'est aussi très compliqué pour les lycéens N, collégiens N de revendiquer quoi que ce soit, enfin je veux dire d'avoir une force de cohésion et tout ça, parce que c'est pas les mêmes lois partout. Et factuellement, il y a des établissements dans lesquels c'est quand même vachement plus accepté, libre ou quoi que ce soit. Alors bon, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de revendiquer quoi que ce soit et pas continuer à se battre, évidemment. Mais ouais, la situation n'est pas du tout pareille partout. Ok. Oui, c'est vrai que les règlements intérieurs, enfin je me souviens, j'ai pas mal de membres de ma famille aussi, de mon entourage qui sont dans l'éducation nationale, et qu'effectivement ça change vachement d'un établissement à l'autre, et au final, enfin ouais, il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre des établissements, mais du coup beaucoup de... ouais, ça a aussi sous son revers, quoi. Ça a aussi beaucoup de marge de manœuvre de la part des établissements. Avec quand même, enfin s'il y avait que des personnes genre hyper féministes et militantes, genre au placé, ce serait cool, mais après bon, les concours et tout sont pas faits pour non plus favoriser ça, donc ouais. Et par rapport au tatouage, parce que du coup ça se voit pas, mais tu es aussi tatouée et tout, est-ce que t'as des réflexions ou des... Est-ce que c'est quelque chose de toléré aussi bien des professionnels que des étudiantes un peu plus, ou... Bah, ouais, non, ça, au contraire, on m'a jamais fait de réflexion par rapport à ça. Et justement, à l'entretien au lycée, quand on m'avait dit de cacher mon septum, j'avais une chemise un peu longue, donc j'ai dit, mais en fait, j'ai quand même des tatouages plein les bras, et pour le coup, je peux pas les cacher, ou alors il me faudrait vraiment beaucoup d'anticernes, et franchement, ça coûte cher. Et puis même, j'ai pas envie. Et il m'a dit, mais non, mais ça, ça pose aucun problème. Donc je sais pas trop pourquoi il y a deux sons de cloche par rapport à ça. Et du coup, non, par rapport aux étudiantes ou quoi, j'ai juste eu des compliments. Donc ça, c'est très chouette. Il y en a beaucoup qui viennent me voir pour me dire « Ah, franchement, tes tatouages, ils sont trop cool !» et ce genre de trucs. Donc non, ça va. Trop cool. Et du coup, bah, pour en revenir un peu au vécu en tant que personne un peu plus minorisée, etc., est-ce que ces réflexions et ce climat de discrimination quotidien, il est plus présent dans le milieu du travail que dans les autres pans de ta vie ? Ou pas, ou égal? Le milieu du travail, c'est vraiment le lieu dans lequel je ne suis pas safe. Okay. où vraiment, je me prends donc encore une fois des réflexions, où je dois faire attention à chaque mot que je pose, ou surtout, ce qui est le plus épuisant, c'est de devoir avoir la posture de la pédagogue, quoi. Genre, tout le temps, dès que je dis quoi que ce soit, il faut toujours que je sois prête à justifier mon existence, à justifier les choses que je vais faire ou quoi que ce soit, et à être évidemment le plus calme possible, parce que sinon je suis traitée d'hystérique ou alors dans tous les cas... Oui, ouais. Wow, on en est encore là. Donc oui, non, c'est vraiment des mots qui quittent pas le vocabulaire. Ça c'est vraiment le plus dur. Dans les autres pans de ma vie, c'est relativement peu fréquent. Il y a peut-être que au niveau familial, et encore au niveau familial étendu, donc au niveau de ma mère et mes Adelphes et tout ça, par contre ça pose vraiment aucun problème, déjà parce que je ne suis pas la seule queer de mes Adelphes, et ça quand même ça fait plaisir. mais oui, donc il y a le fait de devoir dissimuler une partie de son identité quand même quand tu vas au repas de famille avec papy mamie, où tu dois changer les pronoms des personnes avec qui tu relationnes, ou ouais, dire que tu milites uniquement parce que t'es féministe, ou alors si, par exemple, je leur parlais du fait qu'on avait participé à organiser la Pride ou quoi que ce soit, et j'ai dit que c'était juste une manifestation, parce que quand même, on peut pas parler de grand-chose là-dessus, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc t'es obligé de minimiser, et du coup c'est aussi une forme de minimisation que t'es obligé d'avoir dans le milieu du travail aussi, genre tu recours un peu au même, euphémisation. Ben, j'essaye de pas trop le faire, parce que il y a, enfin, je sais pas comment dire, pourtant ça peut aussi avoir évidemment énormément de conséquences, mais comme j'ai évidemment pas d'attache émotionnelle par rapport à mes collègues ou à mes chefs ou quoi que ce soit, en fait je m'en fiche un peu qu'il puisse y avoir du mépris et tout, même si évidemment que ça crée des ambiances de travail quand même pas très sympathiques, et que dans l'idée ce serait chouette de pas avoir de commentaires queerphobes, mais je me permets un peu plus d'être ouverte là-dessus, parce que je me dis que ça peut aussi être une occasion de pédagogie, même si encore une fois ça reste une charge mentale et que c'est quand même un peu lourd, mais en même temps j'ai pas envie d'avoir à encore avoir une autre partie de ma vie dans laquelle je cache des trucs, quoi. Ok. Oui, je comprends. Et mais du coup, en arrivant dans ce job, en fait, y arriver comment? Tu t'attendais, tu t'attendais à cette difficulté-là? C'est quelque chose que tu avais en tête ou pas du tout? Est-ce que tu as choisi ce travail par vraiment appétence, ou parce que genre c'est vraiment l'aspect économique qui a pris le dessus et que tu trouvais pas grand-chose d'autre? Comment t'es arrivée là? Il y a évidemment l'aspect économique, et surtout l'aspect, temporel, quoi. Enfin, le fait qu'en fait on ait les vacances. Et ça, en tant qu'étudiante, c'est vraiment fabuleux. Donc c'est quand même un gros argument. Après, une autre des raisons quand même, c'est que dans la mesure où je suis en études de littérature, a priori, les débouchés professionnels, c'est quand même plutôt l'enseignement. Et donc ça me permettait aussi d'avoir un premier pied là-dedans, et de voir comment ça se passait avec les collégiens N, lycéens N, de voir mon rapport aussi aux ados, comment j'arrivais à me positionner en termes d'autorité, même pédagogie, parce que même si évidemment je suis pas prof, donc j'ai pas à monter un cours ou quoi que ce soit, mais tous les temps d'études, par exemple, où j'étais avec les gamins, je leur aidais à faire leurs devoirs, je les aidais à genre réviser les cours de français, ce genre de trucs. Donc ça m'a permis quand même d'acquérir ces compétences-là. Et... C'était quoi la suite de la question? Oui, bah, du coup, oui, c'est aussi par appétence que tu y es arrivée. Et est-ce que tu avais en tête, enfin, tu t'attendais à avoir ce genre de difficultés et tout ou... À moitié. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, oui, je sais que le monde n'est pas une petite bulle très safe de personnes queer militantes qui peuvent comprendre toutes les problématiques que ça peut impacter d'être queer et militant. Donc forcément, un minimum. Après, je pense que je m'attendais pas à la violence, genre des propos extrêmement banalisé, donc surtout des collègues quand j'étais donc principalement au collège, où c'était mais enfin vraiment des sous couverts de blagues, des propos mais absolument condamnables en fait, et puis surtout l'inaction de la part de la direction aussi, parce qu'il y a eu un moment où quand j'étais au collège il y a un peu plus de 6 mois, quelque chose comme ça, où j'étais allée voir ma chef en lui faisant une espèce de liste en fait de tous les propos qu'avait eu un de mes collègues qui était mais enfin vraiment extrême. Et elle m'a dit, bon Yael, tu sais, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il n'a pas compris qu'il ne pouvait pas en rire avec toi. Donc bon, c'est toi le problème. C'est moi le problème. C'est ça, c'est vraiment ce qu'on me renvoie en fait. Et c'est quelque part hyper frustrant de se dire que justement, dans tous les milieux dans lesquels je milite ou quoi, au niveau individuel, intime et tout ça, finalement, c'est pas représentatif de ce que c'est dans le monde du travail, parce que c'est pas vrai, on n'a pas tellement d'impact à ce niveau-là, et d'autant plus dans l'éducation nationale, mais dans tous les milieux genre fonctionnaires en fait, parce qu'il y a tellement de protection de l'État, alors que pourtant on est même pas titularisé, on est qu'en CDD, hein, donc ils pourraient très bien être virés, mais ouais, c'est ça. Ils ont trop besoin, et puis surtout ils s'en foutent quoi. C'est pas je sais pas, c'est pas un sujet qui est important en fait, alors que enfin moi il me semblait que bon, déjà évidemment ça me met moi en difficulté, enfin quand même psychologique etc quoi, parce que c'est quand même pas très agréable, mais surtout ça touche aussi aux élèves en fait, parce que à partir du moment où tu te permets d'avoir des réflexions justement racistes face à des élèves racisés ou des propos grossophobes face à des élèves gros ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez extrême, dans la mesure où on est quand même dans une position où on est censé participer aussi à l'éducation de ces enfants-là. Et donc participer aussi à leur apprendre tout ce qui est question de savoir-vivre, tolérance, de respect, etc., etc. Et en fait, face à toi, t'as des adultes qui en ont rien à faire. Je trouve que ça illustre hyper bien quelque chose que... Enfin, on peut dénoncer de manière, de l'extérieur et depuis nos positions militantes sur le fait que, par exemple, l'État ne considère pas justement le principe d'oppression systémique et parle que de discrimination et rend tout au caractère très individuel et à une vision, par exemple, du racisme, du sexisme comme quelque chose de très... de très personnel et très extrême, et ne voit pas genre toute la myriade de pluriagressions quotidiennes qu'il y a, et qu'en fait genre le fait que ça soit pas considéré justement à une échelle globale, ça se répercute aussi dans le fait que des profs et des personnels du genre de l'éducation se permettent reproduisent ces mêmes violences là et considèrent pas ça comme quelque chose de problématique, parce que c'est à l'ordre de du personnel, de c'est toi qui mal l'interprète, etc. Mais par contre, elles sont intouchables sur rien du tout, quoi. Et du coup, je me demandais si, par ailleurs, t'avais trouvé d'autres alliés, que ce soit dans les profs ou dans les autres AED ou autres personnels, des personnes qui ont un peu plus la même vision que toi. C'est assez rare de réussir à en trouver. J'avais une ancienne collègue la première année où j'étais au collège, avec qui par ailleurs, on est devenues très copines, qui était avec qui on allait en manif ensemble et du coup qui était aussi très très militante et qui me soutenait dans ces moments-là, qui quand il y avait donc des réflexions assez extrêmes de la part de mes collègues qui venaient me voir un peu à part dans la cour pour me dire que de toute façon j'étais légitime et ce genre de trucs qui font quand même un peu du bien. Donc j'avais cette personne là qui est partie la deuxième année où j'y étais, et donc je me suis retrouvée très très seule cette deuxième année là où c'est très compliqué. Après c'est un peu toujours le même truc, t'essayes de faire abstraction, tu te concentres sur ton travail avec les élèves, donc je restais beaucoup avec les élèves et t'attends que ça passe quoi. Ok. Et avec elle, justement, c'est des sujets que tu abordes, de parler notamment des oppressions systémiques ou même des rapports plus... parce que tu arrives à avoir cette position de parfois aussi... aller contre ce qu'a dit une autre personne ou enseignante ou de la direction ou quoi, qui a pu avoir par exemple des discours racistes ou sexistes, etc. Est-ce que du coup tu vas voir ensuite ces élèves derrière pour essayer d'en parler, ou tu trouves d'autres moyens ou d'avoir ces discussions avec les élèves, ou comment ça se passe? C'est hyper compliqué parce qu'on est dans le truc de devoir faire équipe, et donc on peut pas en fait se permettre vraiment de dire telle personne a fait tel truc qui est pas acceptable. Après oui, ça m'arrivait quand même, mais à la marge, de voir quelques élèves mais en qui j'avais confiance, avec qui j'avais déjà discuté pendant un moment et tout ça, pour essayer de leur dire non mais là en fait c'est pas toi qui est en cause ou quoi que ce soit. Et notamment la première année où j'avais été donc dans ce collège-là, il y avait deux élèves que j'aimais beaucoup et donc avec qui je restais beaucoup, et qui donc c'était le fameux couple de lesbiennes dans le collège, et qui avaient été convoqués chez l'infirmière parce que leur comportement était complètement inacceptable, parce que quand même tu comprends, elles se sont tenues la main dans la queue de la cantine, et que du coup ça provoquait les sixièmes qui étaient quand même un peu petits pour être mis face à cette... Enfin bref, donc assez dramatique. Et donc elles sont venues m'en parler toutes les deux dans la cour. Et là, pour le coup, je me suis permis de leur dire que non, c'était les propos de l'infirmière étaient vraiment pas ok, et qu'elles étaient complètement légitimes d'exister en fait, de se tenir la main, putain. Et que en fait, genre, si elles le voulaient, moi je pouvais aller voir l'infirmière avec elles, et qu'on puisse essayer de faire une espèce de discussion comme ça. Alors elle voulait pas être impactée directement, donc je suis allée la voir toute seule, l'infirmière, et justement je lui ai dit, mais écoute. Laurence, là, il est temps de s'éduquer un peu, c'est pas possible. Quand même. Donc on a discuté un petit peu. Bon, je vais sans doute pas changer sa vie, mais en tout cas, elle a arrêté de les convoquer. Donc c'est déjà ça. Elle a reconnu un peu, elle s'est braquée ou elle a... Elle a pas dit grand chose. Elle a dit oui, mais bon, c'est des élèves de 6e qui sont venus me voir pour me dire que. Et moi, j'étais en mode oui, mais du coup, t'aurais dû leur dire que c'était pas ok. Donc bon. Je pense pas qu'elle aurait eu des conversations extrêmement queer-friendly avec les élèves de 6e qui viennent la voir comme ça. Je sais pas quelles peuvent être les conséquences pour elle. Mais... Oui, et j'avais aussi des questions sur l'organisation, un peu genre en termes d'inégalité et tout, qui peut se manifester aussi dans le travail en tant que tel. Par exemple, moi je sais que dans les différents boulots que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai pas mal vu, enfin déjà à la fois comment les stéréotypes par exemple genrés se reproduisaient de ouf, et aussi bah, par exemple dans un des travaux que j'ai fait, j'ai vraiment vu le truc du à poste égal avec genre un mec et je sais pas plein de meufs, et c'était les meufs qui faisaient l'essentiel, enfin le plus de taf, mais qui avaient eu le plus de qui s'est engagé le plus dans des trucs, alors c'était pas exactement un syndicat, mais c'était d'autres choses, qui avait eu des congés maternité, etc. Donc forcément pas le même avancement, mais en termes de travail, enfin, elles faisaient genre, elles aidaient le mec parce qu'il avait un peu du mal avec le nouveau logiciel ou des trucs comme ça, enfin, elles lui faisaient plein de trucs, des trucs qu'elles se faisaient pas entre elles, donc elle faisait un travail de ouf, et c'est lui qui a eu genre il y a eu un moment une promotion ou un truc, et c'est lui qui l'a chopé parce que l'avancement de machin, etc., et qu'il était juste factuellement plus présent et qu'il avait le plus de temps d'ancienneté, mais parce qu'il avait pas eu genre tous les arrêts, les congés mat et les trucs comme ça. Et du coup je me demandais si c'était aussi quelque chose que t'avais pu voir, ou enfin voilà, dans tes collègues ce genre de... Ouais, carrément. Bon, pas forcément en termes de promotion quoi que ce soit, parce que ça n'existe pas. Donc forcément, c'est plus compliqué. Mais par contre, en termes de l'investissement demandé entre justement mes collègues hommes et genre mes collègues femmes, c'était mais complètement différent. Mais genre vraiment complètement différent. Où on attendait de nous qu'on fasse un travail pédagogique beaucoup plus important. Et on attendait d'eux qu'ils fassent un travail, je sais même pas comment on dit, mais genre qu'ils engueulent en fait les gamins tout le temps. Okay. Et non seulement on l'attendait, mais surtout on les valorisait pour ça. Alors qu'en plus, il se trouve que je suis assez autoritaire avec les élèves, donc dans tous les cas, je les engueulais aussi. Mais juste, ouais, on attendait toujours de moi plus de douceur, plus de disponibilité, plus d'écoute et plus d'investissement, en fait, parce que, justement, on attendait donc de nous qu'on mène des projets donc pédagogiques autour d'un film, d'un livre, d'un débat, de n'importe quoi. Alors que eux, ils pouvaient se permettre de juste demander le silence en études et de faire leurs devoirs, quoi. Et ça, c'était vraiment, mais enfin, hyper, hyper flagrant. Ou même, alors ça c'était plutôt pour la deuxième année, parce que j'ai eu un changement de chef de la première à la deuxième année. Et donc pour la première année, c'était presque plus caricatural, parce que il y avait qu'un seul homme dans l'équipe vie scolaire, et le reste c'était que des femmes. Et en fait, donc l'homme qui était là depuis un peu plus longtemps, c'était le seul par exemple à ne jamais prendre d'études. Donc alors que nous, on devait tout le temps prendre des classes en charge, lui il restait, mais vraiment tout le temps, au bureau. Donc il restait derrière un ordinateur, et puis, alors bon, enfin il y a aussi du taf à faire derrière un ordinateur, hein, mais pas du tout toute la journée. Et donc en fait, pendant que nous on était en train de préparer les études avec les gamins, mais vraiment factuellement, il était en train de regarder du basket sur l'ordinateur, quoi. Et vraiment, donc la CPE, donc qui est partie depuis, mais la CPE qui était là, elle le regardait, elle disait oh bah machin quand même, bon allez à demain, hein. Et en fait c'était tout, alors que bon, en plus il se trouve que cette CPE là me détestait particulièrement, mais dès que je faisais mais le moindre truc qui en plus était en rapport genre avec mes cours, ou que je lisais un bouquin ou quoi que ce soit, c'était bon Yael, c'est bon, t'es pas chez toi ici, quand même faut que tu te mettes à travailler, quoi. Et ça c'était mais vraiment mais absolument tout le temps. Et puis du coup ce qui est un peu affreux, c'est que les élèves, ils intègrent aussi vachement vite ce genre de schéma là et donc en fait pour eux, ce collègue homme, c'était notre chef. Vraiment. Alors que, enfin voilà, encore une fois, on avait exactement le même statut, exactement le même salaire, enfin, il n'y avait pas de différence normalement hiérarchique par rapport à ça. Mais c'était à lui que les élèves se référaient, ou si moi je leur disais non pour un truc, ben, ils allaient quand même aller le voir lui. Alors bon, ça c'est un comportement un peu ado typique, mais quand même, il prenait sa parole beaucoup plus en considération que la mienne. Mais ça, voilà, même l'année d'après, dans tous les cas, vraiment, la parole de ben, moi ou mes collègues meufs ou quoi que ce soit était toujours, toujours moins prise en considération, quoi. Attends, you've been staring at me since you walked in the bar. I don't really know how long now. I don't need no fake love, no, I don't need no FIFA. All of my tangled gone, just me and my makeup. I'm gonna make the paper, I'm gonna make the paper. I'm gonna make dollar bills, I'm gonna get paid, yeah. Get the fuck out of my way. En termes de stratégie que toi tu mets en place pour survivre au taf, t'as l'impression d'opter plutôt sur quoi? Bah, du coup, t'as déjà un peu évoqué le fait que t'allais quand même discuter, au final faire de la pédagogie et ne pas te cacher ni de ton militantisme ni de ta queerness. Mais est-ce qu'il y a aussi des moments où, genre, notamment vis-à-vis peut-être plus de supérieurs, où tu te retrouves à devoir agir différemment pour te protéger ou... Ouais, donc il y a donc ouais, non seulement cette posture pédagogue-là qui, encore une fois, prend énormément d'énergie, mais voilà, parce qu'il faut être bien vu, parce que sinon après t'es pas écouté, quoi. Mais il y a aussi le fait de... C'est affreux, mais tu sais, baisser la tête et acquiescer, quoi. Genre, en fait, les premiers temps, donc quand j'ai commencé à être AED, donc dans le collège, comme donc la CPE était quand même particulièrement affreuse. Il y a eu quelques fois où j'ai essayé de, sans voilà, remettre en question son autorité ou je sais pas quoi, mais de discuter avec elle et de dire, bah en fait, là, pour, sur ce point-là, je suis pas forcément d'accord, ne serait-ce qu'au niveau pédagogique ou quoi que ce soit. Et en fait, elle m'est tout de suite complètement rentrée dedans, quoi. Et du coup, on est rentré dans un schéma où vraiment, elle me gueulait dessus devant les élèves, enfin, des trucs assez sympas. Et en fait, ouais, la seule stratégie qui fonctionne avec ce genre de supérieur, c'est de dire oui, d'accord, quoi. Donc, ouais, par rapport à... Ouais. Enfin, en fait, dans n'importe quel moment, justement, de situation d'agression, en fait, enfin, verbale ou quoi que ce soit, je crois que j'arrête de chercher à, justement, les éduquer quand je vois qu'ils sont pas dans une posture d'écoute ou je sais pas quoi. Et juste, oui, d'accord. Ok, d'accord, très bien, ok. Ouais. Et bah, en plus, enfin, je pense qu'il y a aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure, mais il y a quelques mois où j'étais allée voir ma chef en essayant de dénoncer justement les actions et propos problématiques d'un de mes collègues, et qu'au final on m'a renvoyé à la tête que bah, ça servait à rien et que c'était moi qui en faisais un peu des caisses, quoi. Bah, je crois que je suis un peu découragée de tenter quoi que ce soit. Donc j'essaie de me dire que voilà, moi je fais ce travail là pour les élèves et pour le salaire, et qu'en fait voilà, je me concentre là-dessus. Je sais qu'avec pas mal d'élèves, par contre, j'ai quand même la possibilité d'avoir des discussions qui sont hyper intéressantes. Et enfin, je sais qu'il y a plusieurs élèves qui sont venus me voir à la fin de l'année en me disant, mais franchement Yaël, merci de m'avoir appris tel ou tel truc, ou d'avoir discuté avec moi, nanana. J'avais même une élève qui m'a demandé de l'accompagner à la Pride, en fait, ou ce genre de truc. Et en fait, c'est hyper précieux. Et je pense que ouais, j'essaye au maximum de me concentrer là-dessus et de me dire que mes chefs, bah, c'est juste des chefs, quoi. Ils font leur travail dans leur bureau, dans leur coin, et moi j'essaie de pas trop y accorder d'importance. Non, mais oui, bah, effectivement, c'est plus les élèves, hein, genre qui ont un enjeu de transformation, etc. Les autres, bon, bah, quelque part, enfin, si, ils ont toujours un impact, donc c'est un peu chiant, mais genre, justement, c'est sur d'autres plans, parce que on a beau dire. Qui est censé avoir, je sais pas, genre une certaine harmonie, discussion entre les personnes. En fait, la hiérarchie est juste plus forte que tout, et le fait d'avoir des rapports d'autorité, ça remportera toujours, et il y aura toujours des espèces de chantage. Je crois que tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure de ce truc de on est une équipe, donc du coup, tu peux pas même démentir l'autre personne, et comme quoi, genre en fait, la loyauté qui passe avant le bon sens, et même juste la non-discrimination, en fait, et ça a juste aucun sens, et ça, c'est juste la structure de hiérarchie, en fait, qui permet ça. Et du coup, c'est assez affligeant. Mais est-ce que du coup, le fait de mettre en place cette stratégie, de genre acquiescer, de baisser la tête, c'est quelque chose qui marche quand même à te préserver un peu psychiquement, physiquement, ou genre est-ce que t'as quand même l'impression de tout recevoir de plein fouet du coup, enfin dans quel état ça te met, si tu, dans les détails que tu veux donner, bien sûr. C'est un peu ambigu parce que à la fois. Je pense que ça me permet quand même, voilà, de me protéger un minimum, parce que j'essaie de prendre le maximum de recul et de me dire, voilà, c'est pas moi personnellement qui ou elle dit ce genre de truc, parce que de toute façon, elles me connaissent pas, en fait. Donc c'est juste genre la posture que je peux renvoyer ou quoi que ce soit. Et en même temps, il y a un côté hyper humiliant de se dire que, bah, en fait, genre là, enfin, quoi, je suis en train de passer pour quelqu'un qui sait même pas répondre, enfin, et c'est hyper frustrant, quoi. Ouais, il y a le truc quand même où on te renvoie au fait que t'es dans une position subalterne, quoi. Ouais. Ça, c'est pas très agréable. Très enfermisant. Et du coup, après, est-ce que t'as l'impression que ça change la manière dont tu te comportes ensuite dans les autres espaces publics, quotidiens, etc. Que du coup, pareil, tu t'es plutôt... Enfin, est-ce que du coup, tu vas plus au front par ailleurs, ou justement t'es trop épuisé et pareil tu acquiesces, enfin, est-ce que ça y a un lien entre la manière dont tu vis les choses au taf et comment tu les vis quand tu sors du taf, du coup? Ouais, carrément. Après bon, je suis quand même pas non plus dans des situations d'oppression tous les 4 matins non plus, donc c'est pas non plus si fréquent que ça. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé pendant l'été où j'étais dans une situation, enfin une espèce de soirée où il y avait quasiment que des gens 6-7. Et où en fait je me suis retrouvée dans la même posture de devoir justifier des trucs de mon existence quotidienne, enfin, ou juste le fait d'être queer, le fait d'être militante, etc., etc. Et du coup, ça m'a vraiment renvoyée en fait à cette posture hyper violente qu'on me renvoie au travail et que j'associe presque à la normalité à partir du moment où c'est sur mon lieu de travail. Et du coup, là, le fait que ce soit dans un autre contexte, soit ça m'a un peu prise de court. Donc au départ, j'ai essayé de reprendre ce truc de la pédagogie, d'être en mode genre « D'accord, je comprends que tu dis que les lesbiennes ne devraient pas exister, mais bon, quand même, peut-être que je peux argumenter un petit peu. » Et wow. C'était très violent. Et ouais, donc ça à la fois marché un peu et en même temps ça m'a aussi un peu desservie parce que moi j'ai donné toute mon énergie et j'ai été absolument épuisée et en fait finalement les personnes qui étaient en face de moi ont dit ah mais c'est bien toi t'es pas comme les autres au moins tu arrives à débattre un peu et en fait c'est horrible quoi comme genre de commentaire à se prendre à la tête donc enfin il y a eu ouais, deux étapes dans cette espèce de soirée et après justement où je me suis rendu compte que non seulement ça servait pas à grand chose et qu'en plus j'étais en train de juste donner absolument toutes les ressources d'énergie que j'avais genre en moi et que enfin c'était pas ma responsabilité justement à ce moment là j'ai baissé la tête et acquiescé et t'es pas partie. J'ai fini par partir, mais j'ai mis un peu de temps parce que j'y étais pour des amis, nanana, enfin bon. Et non, au final, j'ai essayé juste de le mettre un peu de côté, de rester avec les personnes que je connaissais, etc. Et donc de faire un peu comme avec mes CPE, en fait, de dire « Ok, d'accord, t'as raison, mais par contre, vas-y, c'est pas mon problème, quoi. Ouais. » Et j'ai fini par partir après. Ok. Et genre l'ironie ou le cynisme, ou genre c'est aussi un truc qui... peut te permettre de parfois genre sortir ou d'avoir au moins une lecture où toi tu sais que c'est ironique mais au moins tu dis à l'autre personne ce qu'elle veut entendre, c'est aussi quelque chose qui peut être un outil ou auquel t'as peu recours ou... C'est vrai que dans l'idée j'aimerais bien mais j'ai un peu du mal parce que je pense que c'est des sujets qui me touchent trop et qui me tiennent trop à cœur et ouais j'arrive pas trop à prendre ce recul là pour mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Non, je comprends. J'y ai pensé quand tu disais « Oui, je comprends que les lesbiennes genre, n'ont pas le droit d'exister. » Mais genre, j'étais genre « Oui, bon là... » C'était peut-être un petit peu ironique à ce moment-là. Effectivement. Et du coup, là, on parle un peu de santé mentale. Et effectivement, dans les oppressions que tu as parlé, là, j'ai l'impression qu'on a un peu touché du doigt genre la cophobie, le sexisme, etc. Tu as aussi parlé de psychophobie. Est-ce que c'est quelque chose... sur lequel tu peux un peu donner des éléments, genre de comment ça se manifeste et comment tu y fais face. De manière générale, j'ai une santé mentale assez vacillante, ce qui fait que je suis assez cyclique dans mes humeurs, et donc de manière générale, en été, non, en hiver justement, je suis en dépression. Et bon, ça peut évidemment arriver dans d'autres parties de l'année, parce que pourquoi pas. Mais non, voilà, c'est assez fréquent, et puis c'est assez intense quand même. Et donc, notamment donc la première année où j'ai été AED, il y a eu une semaine où, avant les vacances de Noël, j'ai dû me mettre en arrêt, parce que vraiment, pleurais tous les matins, quoi, et j'arrivais pas à aller travailler. Et donc, je me suis mis en arrêt. Et donc, quand je suis revenue de cet arrêt... j'ai eu énormément de réflexions sur le fait que j'aurais pu aussi prendre une tisane quoi. Genre c'est bon, tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre, mais tu pourrais quand même faire un effort. Donc plein de trucs comme ça. Et puis après, l'année d'après, où on commençait à être en fin automne, un truc comme ça, il y a une de mes collègues qui a dit à un autre de mes collègues « Ah bah c'est bientôt l'hiver, tu vas voir, Yael, elle va être chiante. » Donc c'était sympa, c'était bien agréable, et il y a vraiment pas mal de trucs où c'est vraiment de se prendre à la légère toutes les questions de santé mentale, ou je sais plus, il y a eu un moment où j'ai eu un rendez-vous avec mon psychiatre qui avait été décalé, et du coup j'ai demandé à partir un peu plus tôt ou quoi que ce soit. C'est des trucs comme ça va, c'est pas non plus si important, tu peux quand même genre faire tes heures et tu prendras ton rendez-vous après, ou ce genre de trucs. Enfin, vraiment en fait on le met carrément même pas au second plan, mais on l'imagine même pas. Ou alors j'ai eu aussi des propos de tu vas pas augmenter un peu tes doses d'antidépresseurs parce que là franchement tu fais la gueule, hein. Donc ouais. Donc après bon, je... Et du coup, quand c'est particulièrement difficile, par exemple l'hiver et tout, t'as l'impression que, notamment au taf, il y a des choses qui te coûtent encore plus d'énergie, que t'arrives moins à faire du fait de la dépression, etc. Et que du coup, qu'il n'y ait pas genre de dispositif d'adaptation ou d'accessibilité pour toi, en fait, par rapport à ça. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est pensé pour les personnes qui pourraient ne pas forcément aller très très bien tout le temps. Et enfin, déjà, on te demande absolument tout le temps le même taux d'investissement, genre quotidiennement. Ce qui est surtout en sachant que quand même, genre en étant AED, en temps complet, t'es à 41 heures par semaine en fait. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Donc ok, t'as des vacances, mais tes semaines elles sont épuisantes. Et encore, moi je faisais des semaines à 39 et des semaines à 43 heures. Donc les semaines à 43 heures, elles étaient intenses, ouais. Et ouais, je sais pas, c'est toujours les trucs où, genre, quand tu peux potentiellement exprimer le fait que tu ailles pas trop trop bien ou que t'es un peu fatigué, c'est, bah, de toute façon, il y a personne d'autre pour faire ton travail, en fait, donc t'es toujours obligé d'être, bah, quand même dans la cour, quand même. Ouais, c'est ça, t'es vraiment une injonction à la rentabilité, à la production. Enfin, et puis, ouais, surtout la question, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais de le fait d'être en représentation. Et en fait, t'as pas le droit, mais vraiment littéralement, t'as pas le droit de montrer que t'as des émotions ou quoi que ce soit. Et je sais qu'il y a des fois où, ben, justement, donc, quand je vais pas très bien ou quoi que ce soit, et qu'il y a des élèves un peu relous, ou je sais pas, des classes un peu difficiles, etc. Et que du coup, ça va m'atteindre. Il y a quelques fois où je suis allée pleurer dans les toilettes. Hein, et vraiment, je me suis fait engueuler par la CPE parce qu'elle me dit que quand même, je peux attendre d'être chez moi pour pleurer. On n'est pas là pour ressentir des choses, on est là pour travailler, quoi. Ok. Et autour de toi, dans cet ancien taf et là, le nouveau, tu perçois pas... Enfin, bon, là, c'était peut-être un peu récent pour le dire, mais genre, justement, des autres personnes concernées ou en tout cas des personnes alliées qui viennent... Enfin, tu parlais de ton amie la première année qui venait de checker. Est-ce que c'était aussi par rapport à ça que, genre, est-ce qu'elle était aussi là pour ça? Et est-ce qu'il y a quand même des personnes qui te laissent justement un sas pour toi ou qui essayent de comprendre ou de changer leur manière d'être? Ouais, donc il y avait notamment cette personne-là en première année qui, je me rappelle, il y avait des fois où vraiment j'allais pas bien, elle venait avec moi dans les toilettes, elle me donnait des anxiolytiques et elle m'aidait un peu à tenir la journée, quoi. Donc ça, c'était assez chouette. Après, bah, la deuxième année, non. Et là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. Si la deuxième année, il y avait... Enfin, c'était un peu paradoxal, parce qu'il y avait donc la CPE qui, à la fois, avait des paroles de pseudo-encouragement, ou en même temps, elle pouvait me dire, genre... je sais pas, ça va aller, c'est pas si grave, et ce genre de truc. Et en même temps, elle me disait, bon, par contre, tu vas aux toilettes avant de revenir dans la cour, parce que là, faut que t'enlèves tes... Enfin, genre, que t'aies plus les yeux rouges, parce que sinon, ça va pas, enfin... Ouais. Donc, en fait, il faut toujours, genre, vraiment, ouais, mettre un masque absolument tout le temps, quoi. T'es vraiment en représentation. Donc tu peux pas du tout montrer les émotions, aux élèves. T'es plus l'être humain, quoi. Ouais, t'es juste le rouage de la machine, de l'établissement, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est assez épuisant, en fait, comme posture à avoir. Parce que donc, non seulement je dois me dépolitiser, parce que quand même, faudrait pas non plus être trop relou. Et en même temps, je dois me dépsychiatriser. Enfin, et ça, en fait, je peux pas trop le faire, quoi. donc c'est ouais, très compliqué. Donc, bon, les antidépresseurs aident un peu, hein, mais c'est quand même pas non plus la meilleure solution. Et c'est le même rapport vis-à-vis des élèves, parce que, enfin, et des personnes aussi qui ont des dépressions, des troubles psy, etc., ou des neuroatypies et tout. Chez les élèves, t'as l'impression qu'il y a les mêmes injonctions à masquer leurs émotions et masquer leur handicap psy ou leur situation? Ouais, carrément. Vraiment. Il y a, à moins que éventuellement ce soit un trouble ou quoi que ce soit qui soit pris en charge légalement avec un PAI, enfin un plan d'aménagement, ouais, d'accompagnement individuel. Ah oui, c'est ça, d'accompagnement individuel. Et que donc il y ait donc des aménagements d'épreuves, une prise en charge psy ou même je sais pas un suivi avec l'infirmière ou quoi que ce soit, ça c'est à peu près ok. Et encore, faut quand même avoir l'air à peu près normal, quoi, dans l'établissement. Mais sinon, s'il n'y a pas toute cette reconnaissance étatique, quoi, enfin légale de tout ça, non, il faut jamais montrer quoi que ce soit. Ou alors voilà, si je sais pas, bah, potentiellement il y a une élève en dépression ou quoi que ce soit, c'est bon quand même, elle est hyper émotive, c'est un peu pénible, quoi. Et il y avait d'ailleurs un de mes collègues qui avait dit face à une élève qui se scarifiait qu'elle le faisait pour de l'attention et que bon quand même à 14 ans tu peux trouver d'autres choses à faire de tes samedis soirs, quoi. Donc, et ça, par contre, c'est déjà un truc que j'ai remarqué dans le lycée dans lequel je suis, où il y a pas mal d'élèves qui font des crises d'angoisse, ou enfin, qui ont en tout cas de l'anxiété généralisée, etc. Et en fait, c'est non seulement absolument pas pris en compte, mais c'est extrêmement diminué, quoi. Enfin, pas diminué, mais délégitimisé. Ou vraiment, mais enfin, encore une fois, ça fait à peine 2 semaines que j'y suis, et encore je suis à mi-temps, donc ça fait genre quoi, 5 jours de travail. Et ouais, il y a déjà mes collègues qui ont dit, oh quand même, ça c'est à cause des réseaux sociaux, ou franchement, l'auto-diagnostisation, ça amène que ces problèmes-là, ou alors c'est bon. Il y a un peu trop d'hormones et tout de suite, du coup, ça fait, ça peut pas aller en cours. Enfin, vraiment des discours hyper stéréotypés en fait. Mais encore une fois, qui se retrouvent de la bouche de ceux qui sont censés être là pour les élèves en question. Enfin, même la semaine dernière, il y a quand même une élève qui a fait une tentative de suicide dans le lycée. Et en fait, j'étais la seule à aller la voir. Et il y a un de mes collègues qui m'a dit, bon ben, occupe-t'en Yaël, parce que là moi j'ai pas le temps, et bon je crois qu'elle va faire un malaise ou je sais pas quoi. Et en fait il cherchait même pas à savoir pourquoi est-ce qu'elle allait pas bien, et enfin je lui ai posé 2 questions quoi, et elle m'a dit directement. Et donc ouais non, c'est toujours les mêmes trucs de, tu dois jamais montrer que t'es pas bien, et si tu le montres, dans tous les cas t'exagères quoi. Et ouais, enfin ça... C'est un triste portrait de... Enfin, je vois à quel point, effectivement, ça n'a pas changé depuis... Enfin, j'ai l'impression de notre époque aussi, où c'était déjà le cas, enfin, voilà. Mais en même temps, vu que justement, j'ai l'impression... En tout cas, c'est ce que j'ai... Quand j'étais AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap en collège, que par contre, du côté des élèves, entre elles, il y avait beaucoup plus d'avancer, d'écoute et tout sur pas mal de choses, notamment bah, sur les questions de racisme, de sexisme, etc. Et un peu de psychophobie aussi. Je sais pas si c'est quelque chose que toi t'as pu constater, genre est-ce que y a un peu plus d'entraide entre élèves aussi à ce niveau-là ou pas? Moi ouais, ça je suis assez d'accord. Moi, ce que j'ai vu principalement, ça a été pour les élèves queer que j'avais au collège. Parce que, enfin, moi, quand j'étais au collège, c'était mais inenvisageable, en fait. Mais c'était même pas forcément condamné explicitement, mais c'est juste que ça n'entrait pas dans nos imaginaires. Enfin, c'était juste pas pensable. Et là, bah, en fait, bon, évidemment, ces élèves avaient quand même le droit à quelques réflexions, etc. Mais c'était relativement minoritaire. Et par contre, de manière générale, ça allait à peu près. Et ouais, par rapport au racisme, pareil, c'est vraiment à la marge, en fait. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins une dynamique... collective quoi, qui se retranscrit dans les interactions individuelles, et beaucoup plus vraiment des comportements pour le coup individuels qui s'expriment voilà spontanément et tout ça, même si bon, évidemment que c'est à condamner aussi, mais j'ai l'impression que ça s'améliore un peu quand même. Okay. C'est plutôt quel genre de classe sociale, etc., qu'il y a dans les établissements dans lesquels tu bosses, enfin est-ce que c'est assez hétérogène ou... Ça dépend. Donc le collège dans lequel j'étais pendant 2 ans, c'était un collège en REP+, donc en réseau d'éducation prioritaire renforcé. Donc c'est une majorité de personnes issues des classes précaires, en fait, populaires, etc. Mais là, par contre, le lycée dans lequel je suis, c'est un lycée pas vraiment bourgeois, mais enfin bon, quand même assez... d'une classe sociale beaucoup plus élevée, quoi. Donc c'est pas tout à fait les mêmes... Tu vois que justement il y a un rapport différent aussi par rapport à ça ou pas, genre de rapport aux oppressions, aux discriminations et tout, ou c'est sensiblement la même chose? Ouais, pour l'instant j'ai pas trop eu l'occasion vraiment de l'évaluer dans le lycée dans lequel j'étais. Après ouais je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y avait, enfin de ce que je perçois pour l'instant, il y a quand même beaucoup plus de classisme, fatalement, dans le lycée dans lequel je suis. Alors que dans le collège où j'étais, vraiment pas du tout. Il y avait aussi des personnes d'un milieu social un peu plus conséquent, etc., mais qui, en fait, déjà étaient en minorité. Il n'y avait pas trop de réflexion par rapport à ça. Et même bah, par rapport au racisme, parce que c'était des élèves, peut-être pas la majorité, mais enfin, il y avait un bon pourcentage qui était d'élèves racisés, etc. Et du coup, ouais, je sais pas, ça faisait, il y avait pas trop de discrimination dans ces trucs-là. Dans le lycée dans lequel je suis, ils sont quand même majoritairement tous blancs. Mais j'ai pas encore trop eu l'occasion d'observer ces dynamiques-là. Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui vivraient un peu, genre qui seraient dans les mêmes minorités que toi ou qui seraient dans le même milieu, ou genre des ressources qui toi t'ont aidé aussi? Ça peut être, je sais pas, à la fois type de thérapie, des podcasts, des choses comme ça, ou des... Oui, des répliques, enfin n'importe quoi, ce que tu veux. Mais pour moi, je pense que vraiment un des trucs qui m'a sauvée et me sauve vraiment, c'est juste de trouver des espaces dans lesquels tu te sens safe, en fait. Genre de vraiment genre te dire que ton milieu professionnel, c'est un milieu, mais que c'est pas ton milieu, en fait. Et que tu peux avoir justement d'autres ressources de personnes qui vont t'apporter genre du soutien et de l'amour, etc. Et ouais, je pense que le sentiment de communauté, il est tellement primordial. Et que c'est vraiment ce qui peut te porter, quoi. Et moi, je pense que vraiment, si j'avais pas ça, si j'avais pas un cercle d'amis, enfin juste de personnes qui sont porteureuse de genre de moi. Ouais, j'ai pas de fin à cette phrase, mais ça n'aurait pas été terrible, quoi. Et du coup, toi, ta vision du travail, enfin pour la suite, est-ce que genre, c'est quoi tes envies et à côté de ça, tes craintes, quelle place tu veux, enfin quel genre de travail tu te vois embrasser au sens large, pas que au sens capitaliste du terme, et quel quel est le schéma que tu veux le plus éviter et le schéma auquel tu tends, en fait? Je pense, vraiment, plus le temps passe, plus je suis avec des élèves, etc., plus je me dis que enseigner, c'est quand même assez chouette. Ouais. Donc, je pense quand même être prof. Et en fait, c'est un truc qui me permettrait de sortir de toutes les relations avec les collègues qui vraiment me bouffent, quoi. C'est horrible. J'ai vraiment envie d'être juste de faire mon taf à moi, d'être seule. Et surtout d'être face à des élèves à qui je peux continuer à enseigner, à transmettre en fait toutes les choses que je transmets déjà dans mon rapport avec eux, avec elles. Et enfin, ouais, je pense avoir un rapport un peu plus individuel, personnel à mon moment de travail, et beaucoup moins dans la collectivité qui est globalement pas terrible. Ouais, je comprends. Et cette expérience d'AED, elle a apporté quoi sur ta lecture, tant que ça soit genre sur ce travail-là en particulier, ou de manière générale, ou même sur... Enfin, est-ce que t'as l'impression qu'elle t'a apporté une spécificité dans l'expérience qu'on peut avoir du travail ou de la vie en général, même, allons-y. Ouais, je pense que ça m'a quand même apporté pas mal de trucs. Je pense que le premier... atout que je peux avoir en tant qu'AED, c'est le fait de me rendre compte vraiment de ce que sont les enfants et les ados, en fait. Ouais. Et de pas partir sur une idée hyper stéréotypée de je sais pas, ils sont pleins d'hormones, ils crient tout le temps et ils sont pas très intéressants. Parce que c'était un peu ce que j'avais avant d'entrer au collège, où je me disais que quand même au lycée peut-être que c'est sympa, mais au collège ils sont tout petits et ils sont pas capables de réflexion ou d'esprit critique ou quoi que ce soit. Et c'est tellement faux. Vraiment, j'ai eu des conversations mais hyper intéressantes avec des enfants de 12-13 ans, quoi. Et donc ça, vraiment, ça m'a appris énormément. Je pense aussi de considérer les personnes, donc entre enfants, ados, un peu plus vieux ados, comme vraiment des individus. Et je crois qu'au niveau social et systémique, c'est vraiment un truc qui se fait pas trop, en fait. On les considère comme des espèces d'extensions de leurs parents, ou des trucs qu'on... Voilà, des trucs. Vraiment, et ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve beaucoup. Et que je suis contente d'avoir réussi à déconstruire par rapport à... Enfin, grâce à ce travail-là, quand même. Justement, après... du coup, t'as effectivement déjà une position très critique vis-à-vis des rapports de pouvoir et tout. Mais en même temps, tu es dans une figure d'autorité. Et comme tu disais, t'as t'as dit toi-même que t'étais aussi assez autoritaire vis-à-vis des élèves et que tu pouvais les engueuler et tout. Enfin, comment tu, du coup, tu jauges ça? Est-ce que pour toi, du coup, il y a quand même une autorité qui est légitime vis-à-vis de personnes mineures? Ou est-ce que, genre, est-ce que c'est juste parce qu'on te le demande ou parce que, genre, on baigne dedans et que voilà, est-ce que c'est quelque chose que, qui te semble nécessaire ou c'est quelque chose dont t'aimerais te défaire à terme ou... C'est particulier, je sais pas trop. Alors c'est un truc que j'arrive davantage à défaire à partir du, enfin, du fait que là je sois dans un lycée où c'est quand même une tranche d'âge où les élèves sont beaucoup plus autonomes et donc ils ont quand même moins besoin d'être, enfin, cadrés, etc. Mmh. Après, ouais, je sais pas. Je pense que la notion de hiérarchie, elle est pas forcément non plus absolument mauvaise. Mmh. Dans le sens où ça reste des enfants, en fait, et qu'ils ont quand même besoin d'être, d'être guidés, etc. Et je sais pas trop. Ouais. Non, mais c'est difficile comme question, parce qu'effectivement aussi, les oppressions, genre juste adulte-enfant, c'est quelque chose qui existe, et en même temps, il y a aussi d'autres... Enfin, il peut y avoir un rapport, ouais, de guidance, de référence, de cadre, etc., qui peut être nécessaire sans que ça intervienne sur, genre, effectivement, l'individu en tant que tel et sur, enfin, sur son corps, sur son identité, sur ses choix, etc. Mais effectivement, c'est très, je pense que ça doit être dur de jauger ça, surtout en étant soi-même dans un système où, qui, de base, est de toute façon beaucoup trop autoritaire. Donc, du coup, c'est encore plus difficile de, d'y échapper, je pense. Enfin... Mais en fait, je pense que le rapport de hiérarchie, etc., il peut faire sens quand t'es dans un rapport avec un groupe d'élèves où, du coup, je sais pas, tu leur demandes de se mettre au travail ou ce genre de truc. Mais par contre, il doit se défaire quand t'es dans un rapport individuel avec l'élève en question. Parce que si tu les méprises et que tu les considères pas comme... plus ou moins un minimum ton égal quand tu essayes de discuter avec elle pour enfin n'importe quelle problématique, là ils vont, enfin, ils vont jamais te faire confiance ni te respecter ni juste s'ouvrir à toi, en fait. Donc je pense que ouais, faut ouais, je sais pas faire la différence entre genre le collectif et l'intime dans... Après je me dis aussi peut-être ménager aussi un, enfin, et ça c'est clairement un truc qu'on n'a pas dans enfin dans l'éducation de manière générale, mais notamment dans système scolaire, de pouvoir toujours, en fait, avoir une porte de sortie, en tout cas d'explication et de discussion de pourquoi, enfin, ok, il y a des règles et tout, mais vas-y, en fait, c'est pas parce qu'elles sont là, ex nihilo, etc., mais en fait, ok, là, pour l'instant, il faut fonctionner globalement, tous ensemble, donc on les met en place, mais genre aussi une espèce de sas d'écoute et de réception des questions, parce qu'en plus c'est justement ça aussi qu'on, enfin, qui est le fait de grandir, c'est aussi genre développer leur esprit critique et ce qui on est censé genre les pousser à développer, du coup alors je sais pas, genre c'est... Non mais carrément, mais ça je pense que c'est justement un truc qui va aussi avec le fait de les considérer en tant qu'individus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu considères le fait qu'ils puissent être capables de réflexion et d'entendre les choses que tu peux leur dire, bah effectivement tu vas leur expliquer. Et en fait, bah, factuellement ça marche vachement mieux, quoi. Quand tu expliques à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, bah c'est vachement plus efficace que quand juste tu lui gueules dessus en espérant qu'il obéisse, quoi. Et ouais, enfin ça c'est vraiment un truc qui est pas forcément de l'ordre de l'acquis dans la grande, enfin la vaste majorité des personnels de l'éducation nationale. Et s'il y a un truc, enfin sur lequel je t'ai pas questionné, mais c'est, est-ce que tu, parce qu'on a parlé un peu de l'ensemble des protagonistes du milieu scolaire, mais on n'a pas parlé par exemple des parents d'élèves. Est-ce que c'est des personnes que tu côtoies ou enfin avec qui t'as des interactions, pas tant que ça? Non, très peu, parce que bah, nous on fait pas de rendez-vous parents-prof ou quoi que ce soit, donc ça va être les parents, je les vois quoi pour des inscriptions pour leurs élèves, ou enfin pour leurs enfants, je veux dire, pour nos élèves, et pour je sais pas quand ils sont à la sortie ou ce genre de truc, mais non, on a assez peu de rapports avec eux. Ok, et du coup, mais parfois ça, tu dois avoir aussi être un peu une des personnes justement référentes vers laquelle se tournent les personnes, enfin les élèves, etc., s'il y a des situations de familiales difficiles aussi peut-être. Donc du coup, comment tu gères quand tu vois qu'il y a justement des violences aussi de parents sur enfants, des choses comme ça, Est-ce que tu as un protocole à suivre ou est-ce que tu fais un peu au feeling ou enfin, comment ça se passe? Ouais, ça dépend de l'intensité de la situation. Si c'est juste ça va pas trop en ce moment, pour bon, je sais pas, n'importe quelle raison, etc. En général, on essaye juste d'en parler avec, avec l'élève, essayer de proposer soit juste une écoute, soit éventuellement quelques solutions de. Enfin, pour prendre un peu de recul ou ce genre de trucs. Après, si c'est vraiment des choses de l'ordre de violence intrafamiliale ou enfin, des situations comme ça, là, pour le coup, il faut qu'on s'en réfère constamment à là, le CPE et l'infirmière qui vont... Après, bon, je sais pas exactement comment ces personnes s'en occupent, mais qui vont s'en référer, genre, soit à la police, soit, genre, aux assistantes sociales, ou, enfin, ce genre de trucs. Et, mais ça, du coup, c'est pas forcément nous qui gérons les situations les plus extrêmes, en tout cas. Genre, soit tu fais pas des informations préoccupantes, ou, tu sais, genre, c'est l'aide que tu rédiges pour témoigner du fait que... Ah non. Ok, oui, je pense que c'est plus les psys ou les infirmières. Mmh. Et vous avez pas des formations par rapport à ça? Non. Ok. Non, ça, on a zéro formation de quoi que ce soit. Donc, on est vraiment, ouais, formé sur le tas. Après, bon, ça dépend des établissements. Je sais que la deuxième année, on a eu des petits flyers avec quelques trucs quand même. Mais sinon, non. Que t'affiches après pour réviser. Évidemment. Ok, bah moi, je crois que j'ai fait un peu le tour de mes questions. Je sais pas si toi, il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter ou partager ou avec toi, enfin. Non, ça va. Ça va, ok. Bah, merci beaucoup pour ton temps et pour ces partages. Et puis, bah, j'espère que ça va aller du coup dans cette nouvelle expérience au lycée et que tu pourras bientôt, bah, justement réaliser ce projet de genre enseigner et être un peu tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? Perdí la tête, ouvre le chemin de ma mère. ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? ¿No sentí? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.